êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Stéphanie Gagné partage l'un de ses coups de cœur avec nous dans ton plat favori. Et je vous parle des activités à venir sur le campus. Et c'est maintenant à Assemblage requis. Je flexe la rime. Ta favori. Bonjour à vous qui se réveillez en ce moment, en ce mardi 20 septembre 2011. Il est 7h04 et on t'en dirait des studios de C'est quoi à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Oui, et bienvenue aussi à ceux qui se lèvent pour nous, genre, qui se lèvent juste pour nous écouter, maintenant. Il y en a peut-être moins. Il y en a peut-être moins un peu, hein. Mais on les remercie quand même, hein. C'est plaisant. Bonjour à vous deux. Donc, aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, François, on a moins de chroniqueurs que les autres jours. Vous savez, depuis quelques semaines, on dirait que c'est comme un rempli jam-packed, comme on appelle, ou en français, emballage confiture. Emballage confiture? Jam-packed. Ouais. Donc, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori aujourd'hui. Elle va nous présenter un autre de ses coups de cœur, souvent musical. Ça peut être des fois cinématographique. Des fois, ça peut être elle rencontrer quelqu'un proche d'une cabine téléphonique, je sais pas trop quoi. Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, oui. Comédie musicale. Ça, peut-être qu'elle parlera de ses histoires d'amour une fois dans son. T'sais, parce qu'on dit coup de cœur, tu sais, puis elle a jamais vraiment eu une affaire de cœur. Ouais, c'est jamais vraiment ouvert à nous. C'est ça, ouvert le cœur, comme dans Grey's Anatomy, la série qu'elle a écoutée probablement 4 fois chaque épisode jusqu'à maintenant. Je ris souvent d'elle pour ça. Hein. Je m'excuse. Sais pas, je connais pas ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, on pourrait. Au moins, si elle écoute une série en boucle comme ça, au moins, tu sais, elle en a choisi une bonne. Ouais. C'est bon. Sinon, aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir un nouveau poste d'écoute. Le bloc où on découvre une nouveau CD de la discothèque de C'est fou. Là, on va entendre Reine de France avec leur maxi numéro 2, Un été à l'ère de la révolte. Ça va être. Ça, bon, c'est pas, hein? Hey, ça va être de la musique. C'est ça. On m'a conseillé ça pour le poste d'écoute, donc apparemment qu'au moins ça devrait être écoutable, hein? Exactement. Ouais. On va parler aussi des activités à venir sur le campus. Oui. Comme à chaque semaine. Ça aussi, c'est écoutable. Oui, oui, oui. Et on va parler des prix Polaris, mon ami. Hey, les prix Polaris! C'est qui a gagné? Mon ami Paul, hein? Je sais pas. C'est beau. Non? Non. Non, je sais pas encore. Est-ce qu'on dit tout? Hey, non. Non, ouais, non, c'est une surprise. Ça serait pas. On va faire la liste déroulante et le bouton radio et le OK envoyé comme sur un formulaire sur une page web. Liste déroulante. Mais en tout cas, pas de très grande surprise, je pense. Non? Non. Un groupe francophone, hein, j'ai entendu dire, non? Il n'y a pas. Francophone? Il n'y a pas un groupe du coin, genre, là-dedans, quelque part, peut-être pas francophone. Oh, du coin, probablement. OK. Non, je me suis gardé très, très. En fait, t'es au courant. Non. Non? Non, c'est ça l'affaire. J'ai entendu parler, mais je suis pas allé voir. C'est okay. Plate, hein? C'est plate d'un gars qui anime le matin une émission. Non, non, c'est pas grave. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu peux aller voir. Ben, tout à fait. Alors, on va commencer l'émission, par contre, par quelque chose que j'ai aimé dans ta voiture ce matin. Oui. Mais que je savais pas c'était quoi. Tu m'as répondu et j'ai dit « Ah! Oh. Ah! Bacon! Bacon, c'est bon, ça. Ratatat! Ratatat, on n'écoute jamais assez de ratatat. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est très bon, c'est doux, ça part bien le matin pour vous. Ouais, exactement, donc on va entendre la pièce Falcon Jab au 89.1 FM, c'est fou. La radio qu'en plus de trois rivières. Bon matin! Bon matin! Bon matin! We'll be right back. Ratatat et Falcon Jab à Assemblage requis. On aime ça! On aime ça, en effet. Hey, François, est-ce que t'as encore la liste des pièces du CD d'ouvert? T'as fermé ça, hein? Oui, je l'ai fermé. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro de la pièce numéro 4? Non. T'as un petit peu d'abord, tu me donnes la presse. Ben, je vais parler pas ensemble. Parce que François, tu sais, une fois de temps en temps à l'émission, là, je le fais moins, je sais pas pourquoi cette année, mais je fais moins jouer de chiptune qu'avant. Chiptune, c'est de la musique de jeux vidéo, inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Écoute, j'ai pas reçu de plainte à ce niveau-là. Non, c'est ça, ben, ça va peut-être recommencer, au pire, je t'avertis d'avance, parce que j'aime bien ça. C'est ce que j'écoute à la maison, en fait, la musique de jeux vidéo, j'adore ça. Mais ça, on écoutait Ratatat dans ton auto matin, et puis la pièce numéro 4, dont le titre reviendra de façon succinctée. Oui, dans 5, 4, 3, Mirando. La troisième, tu veux dire? La 4. Parce que Falcon Jab, c'était la deuxième. OK. Mais non, après, la 3, après ça, il y en a eu une autre après ça. Mirando. Miranda, M-I-R-N-D-A? D-O. D-O? Ouais. Bon, ça prend plus de temps que je pensais, tout ça. Donc, Mirando de Ratatat, je trouvais que ça sonnait très, très. On la fera jouer une autre fois, peut-être au complet. Mais je trouvais que ça sonnait jeu vidéo au début, ça. Donkey Kong. Ça, là. Mais ça, c'est bon. Ben oui, mais c'est ce que j'écoute à la maison, c'est ça du chiptune, François. Ben, moi, en tout cas, chiptune, j'ai comme dans ma tête, c'est cool, mais c'est de quoi de quand même rapide. Non, mais justement, c'est ça, c'est des sons à la jeu vidéo, mais ça peut être très, très chill, très relax, très très relaxant. Parce qu'il y en a, en fait, dans les chiptunes, j'imagine, qui accélèrent le... C'est sûr qu'il y en a de tous les styles. C'est comme dans n'importe quel style musical, tu sais. Jusqu'à la place d'utiliser des instruments physiques, tu utilises des instruments numériques qui sonnent comme un Game Boy ou comme n'importe quel console. Donc, il y a plein de différents genres dans le chiptune, voilà. Mais je l'en ferai jouer plus tard, pas maintenant. Parce que maintenant, on a un autre sujet à discuter, toi et moi, François. Oh ouais, c'est quoi? C'est les prix Polaris. Les quoi, les prix Polaris? Les prix Polaris. Pas Paul de son prénom, Harry Polaris. De son... Polaris. C'est pas Harry Lee Anderson non plus, là. Non, il y a pas c'est de... Paul et Harris. Paul Yaris? Paul Yaris, non. Non. C'est Polaris, P-O-L-A-R-I-S. Polaris, c'est ça. Ouais. C'est ça. Abordons le sujet à la place de... De tourner autour. De tourner autour du Polaris. Oh! Polaris! Hein, on l'arrisse plus, hein? On l'arrisse pas en tout. Hey, c'est ça, c'était hier, en fait, les prix de musique Polaris 2011. En fait, le gala était présenté sur les zones... Attends un peu, je l'avais. Sur Sirius, en tout cas. Oui, à la radio satellite, tout à fait. Tout et à puis, fait. CBC... Il y avait un stream aussi, je sais, sur Internet. CBC Radio 3, la troisième chaîne, l'équivalent de Bande à part au Canada anglais. Okay. Et puis, c'était diffusé. Ça va être diffusé le 24 septembre prochain à la télé, sur les zones de Much Music, à 13h l'après-midi et à minuit. Donc, eux, en plein prime time, eux, musique pour Much Music, c'est très important. Très, ouais. Très important. Exactement. En deux reprises de Jersey, je crois. Et c'est plate aussi qu'on ne l'aille pas en français. Oui. Tu sais, dans le sens où ça se passe au Canada, on est supposé être un pays bilingue. Oui, tout à fait. Mais bon. Mais bon, sûrement qu'à Musique Plus, il réussira à trouver une case horaire un dimanche d'ennui. Oh, oui, de quoi? D'assez caché. Là. C'est ça. Animé par Reg Laplanche et. Reg est bon. Non, je l'aime pas. Ouais, ben, il me laisse un petit peu froid, je te dirais. Mais non, j'aime la personne en tant que telle. Pourquoi? Froid dans quel sens? Je trouve qu'elle aime fake, un peu. Moi? Je me reprends. J'aime bien quand il anime, en tant que tel, ça va. C'est quand il fait des publicités, j'aime vraiment pas sa façon d'agir dans. Ouais. Je trouve qu'il parle mal pour un annonceur. T'sais. Ouais. Genre. Il parle comme un gars du peuple. Ben, c'est ça, puis je trouve que pour une publicité, pas tant. T'sais. Mais bon. Ouais. Peu importe. Mais il y a de l'air sympathique. Oui, ben, tout sympathique. Tu le croises en rue, tu as le goût de serrer la main, dire Reg. Tu vas prendre une bière avec. Dans tes pubs, t'es vraiment mauvais. C'est ça. Hey, en tout cas, on revient à Polaris. C'est ça, ça se déroulait hier. Désolé. Ça va. Et puis, y avait plusieurs finalistes. Hein? Oui. Est-ce que tu veux qu'on en nomme chacun à tour de rôle? OK. Vas-y, go. OK, ben je vais partir. Il y a Ostra qu'on va jouer ici. OK, il y a Braids. Braids. Il y a Destroyer. Uh-huh. Moi, que je connais pas. Moi non plus, je connais pas ça. Je connais Galaxy, par contre, avec Tigre et Diesel. Oui, un des seuls groupes francophones qui était là, je pense. Tout à fait. Et qu'il mérite en passant. Oui, exactement. D'ailleurs, qui est sur le palmarès de ces fous aussi. Uh-huh. Il y a Erosetta qu'on fait jouer ici aussi. Moi, j'adore ça. On l'a fait pas assez jouer. Ron Sexsmith, que lui, moi, personnellement, j'ai jamais entendu. Moi non plus. Ça me dit rien du tout. Et un autre que ça me dit rien, Colin Stetson. Moi non plus, il va falloir se faire un petit bloc de ben, d'inconnu pour C'est fou, là, inconnu pour certains animateurs de C'est fou. J'engloberai pas tous les animateurs parce que je sais qu'il y en a qui connaissent très bien. Timber, qu'on adore. Oui, qu'on fait jouer ici. The Weeknd aussi, qu'on a fait jouer, je pense. Oui, dans les chroniques à Maxime, surtout, parce qu'eux ne daignent pas nous envoyer leur CD. Mais, ouais, ça, c'est plate. Ça, non, mais il y a des groupes comme ça, les radios universitaires québécoises francophones dans une petite ville comme Trois-Rivières, pas tellement important. T'sais. Ouais, mais en même temps, on s'est entendu pour dire que c'est pas mal juste nous autres qui les fait jouer. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Hein, c'est, ouais, c'est bon. Ça, mais s'ils comprennent pas ça, c'est parce qu'ils ont petit problème. Là. Petit problème. Donc, on a nommé beaucoup de groupes depuis les dernières secondes. Arcade Fire qu'on oublie. On a oublié Arcade Fire. Pourquoi est-ce qu'on a oublié Arcade Fire? On sait pas. On va faire un petit bloc de musique basé sur ces prix Polaris pour culminer vers un gagnant quelconque qu'on n'a pas encore déterminé. Non, non, mais le résultat, en fait, sort dans à peu près une dizaine de minutes. Ah oui, sans blague. C'est pas sorti il y a 7 heures environ, selon leur Twitter. Donc, commençons par Galaxy, la pièce du palmarès francophone Tigre et Diesel. Suivra Ostra avec J'ai envie d'entendre Beat and the Pulse, même si leur nouvelle pièce Shoot the Water dans le palmarès. Moi, Beat and the Pulse, je l'aime bien gros. Donc, on commence avec Galaxy tout de suite. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. Yeah. The Suburbs avec la formation montréalaise Arcade Fire. Pourquoi est-ce qu'on a fait jouer Arcade Fire, dis-moi, François? Je sais pas. Je te laisse le plaisir de l'annoncer. Ah, parce qu'ils ont gagné le prix Polaris hier soir. Oui, effectivement. Félicitations, Arcade Fire. C'est un choix qu'on n'avait jamais vu venir du tout. Non? C'est un peu prévisible. Un petit peu, hein? Un petit peu prévisible. On rappelle les autres nominés, entre autres Astra, qu'on a entendu avec la pièce Beat and the Pulse, Destroyer, Galaxy, qu'on a entendu avec Tigre et Diesel, Herozetta, Ransack Smith, Colin Stetson... Et Timber Timber et The Weeknd, voilà. Et The Weeknd, faudrait pas oublier The Weeknd. Ben non, faut pas les oublier. Alors, on entendra un bloc un petit peu plus tard dans l'émission de groupe qu'on connaît peut-être un petit peu moins dans cette liste-là. Bonne idée. Ceux qu'on fait jouer moins souvent. Bonne idée, on aime ça. Aussi, entre autres, si vous voulez entendre et voir les prix Polaris à la télé et à la radio, bon, on sait que c'était en direct hier à la radio, diffusé sur Much à la télé, Much Music, ben anciennement Much Music, c'est juste Much, mettons, hein, de ces temps-ci. Même leur logo. Music, pas tout. Même leur logo, c'est juste match maintenant. Ah ouais? Donc, c'est le 24 septembre à 13h et à minuit. Et là, j'ai reçu un message de Kiwa, notre fidèle collaborateur avec cette chronique Kiwa en cavale, vous le connaissez. Il dit, pour votre information, l'an dernier, le gala a été diffusé sur RTV, parce qu'on se demandait si ça avait joué en français. Donc, sur RTV, quelques semaines après, et même rediffusé sur Radio-Canada en plein milieu de la nuit pendant l'automne. C'est bien de voir que Radio-Canada aime pouvoir dire qu'ils ont diffusé le gala sans vraiment avoir à le mettre à une place où quelqu'un va l'écouter. Fait. Ça règle le problème. Ça règle le problème. Tu peux dire, tu sais, on l'a joué à Kachek. Je comprends pas comment ça qu'un gala comme le gala Polaris sur la musique émergente ne joue pas ni à Musique Plus, ni à Musimax. Il me semble que c'est comme les deux places où tu pourrais jouer ça en prime time, un gros soir de semaine. T'sais. Mais non, c'est ridicule. Hein? À Radio-Canada puis à RTV. RTV. Je sais bien que la musique, c'est de l'art. Mais on a des chaînes faites juste pour la musique, tu sais, aussi. Là. Ouais. T'sais, ça, c'est vrai. Pas grave. Hein? On les juge pas. On les juge pas du tout. Du tout. C'est juste... c'est comme ça. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Plus tard dans l'émission, on a Stéphanie Gagné avec son coup de cœur dans son plat favori. On va parler des actualités aussi, des activités qui vont se dérouler sur le campus. Plein de choses, hein? Plein de choses. Plein de choses. C'est un fait. C'est un fait, j'en viens. Oui, ça s'appelle encore comme ça. Oui, mais pourquoi on l'appelle... On pourrait demander à nos auditeurs fidèles et nos chroniqueurs des suggestions pour changer le nom de la chronique. C'est un fait. Ouais. Kiwan nous écoute en ce moment. Kiwan, c'est un nom de chronique avec le mot fait dedans de préférence. Ah ouais, non. Faisais ce que t'en veux. Faisais, si on avait parlé non, un non, peu. Non, t'es pas sûr. Il avait fait à ta tête, mais encore là, pas tout à fait certain. Ça fait dur, hein? Fait dur. Fait dur. Oh, fait dur. Swing le matin. Swing, swing. On appelle du Morning Wood en anglais. Voici Paul Epé, 70. Non, Funny. La pièce Funny. F-U-N-N-E-Y. Je pense que Funny. Vous êtes à Assemblage Requis sur ces fous. C'est Funny. C'est funny, hein, ce matin. Ah oui. Hein, hein, tu sais? Je assez fou pour l'écouter. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Et maintenant avec François-Olivier Marchand, c'est l'heure de parler des choses qui se passent sur le campus cette semaine. Qu'est-ce qui se passe sur le campus cette semaine? Hein? Comme à chaque semaine... Pose la question. Hein? Ben oui, c'est sûr. Mais écoute, tu peux sûrement y répondre au moins une activité. Le fond party, poum. Exactement, exactement. Oui. On va y revenir par exemple un peu plus tard avec un petit peu plus de détails. On y va dans l'ordre des jours de la semaine, ça? On va essayer. Évidemment, la semaine commençait hier, hein, on s'en doute bien. Pour la plupart des gens, oui. Ouais, pour la plupart. Sinon, vous êtes en retard. Et puis, c'est ça. En fait, mais il y a une activité qui se déroulait hier et aujourd'hui. C'est le camp de recrutement de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. À l'huître. Oui, exactement. Et ça se déroule à 19h au local 2063 Pavillon Michel Sarrazin à la salle Rodolphe Mathieu. Et évidemment, évidemment c'est gratuit. Donc, pour les gens, en fait, qui veulent peut-être tenter leur chance en improvisation, la l'huître, c'est ça, comme tu mentionnais, recrute. Le camp se fera sous la forme d'ateliers conviviaux sous la supervision de formateurs d'expérience. Et voilà, le camp est ouvert à tous. Et évidemment, ça ne coûte rien. Donc, les 19 et 20 septembre, donc c'était hier et aujourd'hui à 19h au local 2063 Pavillon Michel Sarrazin à la salle Rodolphe Mathieu. Excellente idée, ça. Des fois, ça peut être agréable. Oui. On sait pas. Je vais dire. Allez-y, là, enlevez-vous les doigts dans le nez. Puis... Essayez-le au moins. Oui. T'sais. Au pire, c'est non. C'est pas rien, c'est gratuit. Tu l'as. C'est ça, exactement. Voilà, aujourd'hui, à 19h30, au local 3001 Pavillon Reguet, c'est Amnesty International qui fête ses 50 ans cette année. Donc, vous pouvez aller faire partie de l'équipe d'Amnesty International pour assurer un autre 50 ans de lutte en faveur des droits humains. Bonne cause. Ouais, exactement. Donc, c'est aujourd'hui au local 3001 à 19h30 Pavillon Reguet. Ici même à l'UQTR. Et puis, le 22, ça nous amène à jeudi. Ouais. On parle du lancement du club d'entrepreneuriat étudiant. Et ça se déroule à 19h au local 1069 Pavillon Ringuet. Évidemment, c'est gratuit aussi. La majeure partie des activités que je vous nomme, là, c'est gratuit. Peut-être, par exemple, comme tu mentionnais au début, le Fond Party. Qui, lui, coûte de l'argent. Mais, hein, en tout cas, de la mousse d'en face, donc c'est ça. Tu gagnes par le fait même, ouais. Tu t'achètes de la mousse. C'est ça, exactement. Mais t'as pas le droit d'être tout nu. Non. C'est les bien fait dire. Hein. C'est ça. Et t'amènes ton costume de bain si tu veux. Aussi. Ouais, parce que moi, Mathieu, en fait, là. Je termine ça. Puis on revient au fond. C'est ça. C'est ça. C'est le lancement du club d'entrepreneuriat étudiant, jeudi à 19h au local 1069 Pavillon Ringuet. En fait, voilà, ils lancent leur activité pour 2011-2012. S'il y en a qui ont le goût de s'impliquer, de se démarquer, de participer à des activités liées au monde des affaires, ben ce club est fait pour vous. Hein? C'est dit. Voilà. Donc, pour information, vous pouvez contacter M. Étienne Saint-Jean au 376-5011 poste 4293. Voilà. Donc, et puis jeudi soir, comme on mentionnait, au local 10-12 à 22h. Oui. Le Fun Party. On parlait à 22h heure de l'Est, le 22h le soir, le 10h. Exactement, PM. Stéphanie Boilard qui est venue nous en parler hier à l'émission. Très sympathique. Et puis moi, Mathieu, en fait, on avait une petite idée ce matin, on voulait faire un petit stand publicitaire pour Assemblage Requis. J'aime ça. Aller se mettre tout nu. On n'a pas le droit. Fait qu'on n'en fera pas, mais on va se coucher de bonheur. Bonne idée, j'aime ça. ce qu'on pourrait faire en affaire, c'est comme, mettons, être semi-tout nu, tu sais, genre peut-être... sous-vêtements. Non. Sous-vêtements. Homme sandwich, carton en avant-arrière, logo d'assemblage requis, petite maison slash building bâtisse de briques. On a déterminé hier que c'était plus une bâtisse qu'une maison. Ouais. Hein? Avec des tuyaux puis une boîte. Là. Puis le logo d'assemblage requis. Genre un gros tuyau. Un tuyau, le tuyau pourrait sortir. Ouais, oui, le tuyau pourrait sortir. Ouais, ok, good. Bon. Écoute, c'est toi qui fais ça, c'est ça? Parfait. Non, c'est ça. C'est noté. Écoute, je l'ai dit en premier, là. Ouais, mais justement, faut que tu arrives en premier. Fait que arrive vers 9h30. Ok. Puis je vais peut-être arriver après. Tu vas faire le tuyau? Je vais faire le tuyau. Non, pas certain, là. Non, mais... ok. Mais ça marcherait. En tout cas, les gens parleraient de nous autres. Ah, oh, oui. Pour les mauvaises ou en mal, mais ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est le Fun Party ce soir à 22h. Non, pas ce soir, jeudi. Jeudi soir, 22h. Exactement. Et évidemment, c'est 12$ en pré-vente ou 15$ le jour même, donc ouais. À la porte. Voilà, et puis jeudi aussi. Hein, jeudi, ça passe-tu les affaires le jeudi? Beaucoup trop. Et ça commence à 8h, ça se déroule toute la journée. Évidemment, ça se passe ici, là. Ça se passe à Trois-Rivières. Est-ce que tu sais c'est quoi? Jeudi, à partir de 8h du matin? Non. C'est la journée en ville sans ma voiture. Ah, déjà? Je crois que c'est plus tard que ça dans l'année. Moi aussi. Mm-hmm. Moi aussi. Peut-être qu'ils ont devancé un peu cette année. Peut-être. Mais peut-être. Ça va être bon pour la météo parce qu'il va faire pas mal plus beau que les dernières fois. Je sais pas. Ouais, exactement. Ouais. En fait, ça vise le plus de monde à faire soit du covoiturage, à utiliser le vélo, la marche ou l'autobus, évidemment. Et ça, c'est un peu comme la fête des mères. Là. Vous n'avez pas besoin nécessairement de la journée juste pour le faire. Il faudrait le faire à l'année longue, mais au moins pour vous encourager, voilà une journée. T'sais? Exactement. Le circuit d'autobus, en fait, va être gratuit partout à Trois-Rivières. Donc ça peut être intéressant. Le covoiturage aussi. Bon, évidemment, c'est une bonne façon de fonctionner. Toujours. La marche bicyclette, patin à roulier, ces trucs-là. Ou ça, vous êtes capable que c'est pas trop loin, tu sais, que vous n'avez pas de raison de prendre votre voiture la moitié du temps, je suis certain. C'est vrai, ça. Là. Non, exactement. Ouais. Exactement. Faites attention. Ben oui. Quand vous allez à l'épicerie, c'est pas trop loin. Ben on peut servir de ces gens. Oui. C'est pour... Oui. Donc, voilà pour ça. Hein? C'est tout? En fait, j'aurais aimé ça parler juste une petite seconde, là, si tu me laisses. Parler faire... de... Si je te laisse faire une petite recherche. Non, c'est parce que jeudi aussi... Attends un petit peu. Jeudi! C'est la grande fête aussi de l'emploi. OK. Ça se déroule en fait à la bâtisse industrielle. C'est 500 emplois pour la grande fête. Donc, c'est la 10e édition que ça se passe. Ça se déroule ici à la bâtisse industrielle. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez d'ailleurs visiter www.lagrandefête.net. La grande fête. Et ça, c'est le genre de truc où tu peux te trouver un emploi en amenant ton CV, etc. Ouais, c'est la grande fête de l'entraide, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Wow. Sous la thématique Prends ton envol. Et là, on parle pas du festival Envol et Macadam qui s'en vient bientôt. C'est ça. Qu'on parlera peut-être. En fait, d'ici la fin de semaine. Là. OK. J'aimerais ça juste en glisser 2-3 mots. Ben, faudrait juste 2-3 mots pour mentionner autant de groupes si populaires et d'artistes The Last Assassins. J'ai hâte d'en parler, le festival Envol et Macadam. Plus tard, on fera ça une autre fois. Oh, good. On fera ça tantôt, peut-être. Tantôt, parfait. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Excellent blog de nouvelles du campus. L'autre excellent blog s'en vient, c'est celui de la chronique C'est un fait. C'est dans quelques minutes. On va parler, entre autres, et j'aime beaucoup parler de faits sur les Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y a aussi une maladie en Papouasie-Nouvelle-Guinée causée par le fait que les gens mangent des cerveaux humains. Ils attrapent une maladie à cause de ça. On en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici une nouvelle entrée du palmarès anglophone pour cette semaine. C'est la formation Friska Vilhor. Voici Lario 9. Hey, c'est bon, ça? Mais ça... Oui, c'est très bon. Je le joue, c'est sûr, c'est bon. Voyons. Friska Vilhor avec la pièce Larry Onov. Et là, tu m'as appris un fait tellement intéressant et divertissant, François. Igor de son prénom. Igor! Larry Onov? Hein? Oui. C'est qui ça? Un astronaute? Non, un joueur de hockey russe qui a gagné la Coupe Stanley en 97, 98 et 2002 avec les Red Wings de Détroit. Ça me donne l'impression que tu allais voir sur Google. Non, pas tout. Wikipédia. Voici, c'est un fait. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche d'un nouveau nom pour la chronique C'est un fait. Si vous avez une suggestion, venez voir sur la page Facebook d'Assemblage Requis en tapant Assemblage Requis sur Facebook. Hein? Ouais. C'est un peu comme ça qu'on trouve une page d'habitude sur Facebook. Bon. Exactement. Sinon, le site internet est très bien aussi. Assemblagerequis.com? Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, savais-tu que Angela Lansbury, est-ce que tu te rappelles de Angela Lansbury? Malheureusement pas, non. C'est la vieille dame là qui jouait dans Elle écrit au meurtre. Elle écrit au meurtre. Elle écrit au meurtre, l'émission là, de détective. Là, c'est une vieille madame avec son livre. Là, pis non. Non. Elle écrit au meurtre, voyons. Non, non, ça non, pas non, ça. Non, non, jeune, non, ouais. Non. Ça joue à TVA, ça, il me semble. Oh. Bref, pour ceux qui s'en rappellent, hein, je t'exclus là-dedans. Angela Lansbury a le record du plus grand nombre de pertes au Emmy. Sûrement, à cet âge-là, sûrement le plus grand nombre de pertes en général aussi. Mais bon. Avec 18 pertes. Par contre, elle est en première position, mais à égalité avec quelqu'un d'autre, on ne dit pas qui ici. Mais pour le plus de Tony Awards gagnés, donc Tony Awards, c'est le théâtre. Elle en a gagné 5. Donc 18 pertes au Emmy, c'est un record, et 5 gagnés au Tony Awards. Félicitations à Mme Lansbury. Le mot Emmy, en passant, et là on parle des Emmy parce que c'était les Emmy récemment. Donc, le mot Emmy vient de IMI, I-M-M-Y, qui est le surnom pour les tubes des vieilles, vieilles télés. Les premières télés, il y avait un tube à l'intérieur, on l'a surnommé IMI. Et donc là, les prix s'appellent Emmy. C'est bien. C'est ce que, on appelle ça des tubes images horticones. Mais je ne pourrais pas dire ce que c'est en français. Alors, le premier Emmy a été remis en 1949 à Shirley Dinsdale, une ventriloque. Oui, une ventriloque de marionnettes, là. Pour la personnalité télévisée la plus, la plus populaire, genre. Most Outstanding Television Personality, celle qui a le plus de talent, tiens, voilà. C'est pas la popularité, c'est plus le talent. Outstanding. Shirley Dinsdale. OK, on parle d'un autre sujet maintenant. Avant que John Madison Taylor invente le Reflex Hammer, c'est le petit marteau, là, qu'on t'envoie un coup sur le genou. Pour ça, pour les réflexes. Pour les réflexes. Moi, en passant, un petit fait divers, si vous voulez en savoir plus sur moi, ça me fait aucun effet. Les docteurs sont tout impressionnés. Waouh, peu importe comment je frappe avec mon marteau, il n'y a jamais aucun réflexe. T'es sérieux? Aucun. Pas en tout. Zéro. Oh, ouais. C'est fun. Donc, avant d'inventer ce petit marteau-là, en 1888, oui, vous avez bien entendu, 1888, les docteurs, devine qu'est-ce qu'ils faisaient avant que le Reflex Hammer soit mort. Je sais pas du tout. Ben, salopine, tape sur le genou, toi. Tape-toi! Mais ça fonctionne bien, juste avec les jointures, là. Probablement. Oh, ouais, ça fonctionne bien. Parce que c'est quand même solide, des jointures, tu sais. Non, mais... Ouais, puis tu sais, en fait, ça fait pas mal, là. Ben non, c'est ça, c'est ça. Ensuite, le couteau d'armée suisse, tu sais, le petit genre de... Tu sais, l'outil multi-objet, là, tu sais, t'as un tournevis après ça, t'as plein de... Tu sais, le truc suisse, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu... J'essayais de... De te faire des réflexes? Ouais. Calé d'avoir su, j'aurais pu être en sacré un coup, puis ça aurait été correct. Ça aurait été Donc, le couteau d'armée suisse a été commandé en 1889, après que l'armée suisse elle-même ait décidé de changer d'arme. Leurs armes avaient besoin d'un tournevis pour être assemblées. Donc, ils ont commandé des couteaux d'armée suisse avec un tournevis dedans. Ah. Commandé dans le sens de inventer, demander à une compagnie de produire ça pour eux. S'il vous plaît. Super. S'il vous plaît. Un canif, c'est ça? Comment on appelle ça? Oh ouais, c'est ça. C'est ça. En Égypte antique, est-ce qu'on dit Égypte antique? Je pense que c'est ça l'expression. Eux, ils vouaient un culte, si on veut, à l'ail. Ils le juraient sur de l'ail, comme les gens jurent aujourd'hui aux États-Unis et d'autres pays. sur la Bible. Pourquoi l'ail? Ils juraient sur l'ail. Aucune. Est-ce qu'il y a des histoires? Non, ça ne dit absolument pas. Jurer sur de l'ail. Ben, je jure sur de l'ail. OK. Là, je vais te parler d'une sorte de gens. Tu vas deviner comment qu'on appelle ces gens-là, d'accord? Ou le contrat, ça va être plus facile, le contrat. Les tégestologistes. Tégestologistes. C'est pas comme Xavier, l'été, non? Non, non, mais j'aime ta façon de penser. C'est bien une personne qui collectionne quelque chose, indice. Tégestologiste. Je sais pas du tout. Non. C'est des gens qui collectionnent les sous-verres. Tégestologiste. OK. T'avais aucune chance de l'avoir. Non. Mais tégestologiste. T'avais vraiment très loin. pas mal. OK, tu aurais besoin de 500 millions de livres de beurre de cacahuète, beurre d'arachide, pour couvrir le Grand Canyon, le plancher du Grand Canyon. 500 millions? 500 millions de livres. Pas de pot, de livres. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le nombre de livres de beurre de cacahuète que les Américains consomment par année. Ah, okay. Ils consomment 500 millions de livres. C'est pour ça qu'ils ont choisi le Grand Canyon pour le tartiner. tu connais le président américain dans le temps, là, James Garfield? James Garfield? Il pouvait écrire en latin d'une main et en grec de l'autre main. Pas en même temps. En même temps. Hey boy. Du talent, hein? Ouais. Hein, il fait pas rien qu'à Camille Lalazin qui détestait les lundis, là, James Garfield. Non, non, ça, c'est un autre Garfield. le son des lightsabers, comment t'appelles ça en français? Des sabres de jet de lumière, là, sabres de lumière, là, de Star Wars. Ces deux effets, les effets sonores de ça viennent de deux appareils qui sont défectueux. Dans le fond, ils ont combiné le son de deux appareils défectueux, une télé brisée et un projecteur de film. OK. Ils ont mélangé ces deux sons-là ensemble, c'est ça qui fait le voum, voum, voum. Intéressant. Et belle imitation aussi. Ouais. Ouais, non, c'était pas pire. Quand même. Si tu pouvais enlever toutes les bactéries de ton corps. Ouais. Pour les donner en cadeau à quelqu'un, là. Ce serait assez pour remplir une canne de soupe. Canne de soupe. Après ça, tu bois ça, et puis... Ben là, faut que t'aies un ouvre-boîte, ça commence à être compliqué un peu, mais oui. Y a une maladie mortelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est causée par les gens qui mangent des cerveaux humains. D'accord? Donc, c'est une tradition, c'est un rituel lors de funérailles pour le peuple Faure, F-O-R-E, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est que les membres de la famille consomment le corps de la personne décédée. Oui, bon déjeuner tout le monde. En passant, malheureusement, on dit que manger un cerveau humain, c'est la meilleure façon de contracter une maladie mortelle et complètement intraitable ou non traitable qui s'appelle le courroux caillerie haru. Donc, ça cause des tremblements, faiblesse, t'es incapable de te lever debout, dépression, instabilité émotionnelle et éventuellement, t'es incapable de manger. Hein? Peut-être que le symptôme le plus dérangeant est le rire incontrôlable et spontané de la personne. Ce symptôme-là est tellement commun que la maladie courroux est aussi connue sous le nom de la maladie du rire. Hein? Le courroux vient d'un prion qu'on appelle, ça c'est une protéine infectée qui attaque le cerveau. Le prion est transmis, masculin j'imagine, par la consommation d'un cerveau qui est déjà infecté. Le prion a une longue période d'incubation, par contre il peut rester latent pendant 40 ans après l'infection initiale, avant que la personne qui a cette maladie-là commence à se développer des symptômes. Le courroux n'a pas de cure et il n'y a aucune façon de le traiter. C'est bien qu'ils disent deux fois la même chose. Aucune cure et aucune façon de le traiter, mais bon. Heureusement, personne n'a eu la maladie. En tout cas, personne n'a rapporté avoir eu la maladie depuis 2005. OK, non, non, mais c'est parce que j'imagine que tu peux le traiter, mais sans le guérir. Tu sais, comme... Ah, comme le rendre de l'eczéma, ça se guérit pas, mais ça se traite. Mais... Excellent point. Excellent point. J'avais dit que je vous parlerais des Teenage Mutant Ninja Turtles parce que l'heure se termine et Stéphanie Gagné va nous téléphoner dans quelques minutes. Mais Teenage Mutant Ninja Turtles sont apparus dans un épisode des Power Rangers. It's the biggest event in Fox Kids history. Some guest superheroes are about to visit the Power Rangers and you won't believe which good guys are about to go bad. Catch Power Rangers in Space all new next Friday after Sam and Max on Fox Kids. Take the ride. C'est le plus grand événement de l'histoire de Fox Kids. Vous êtes ne devinerez jamais quel gentil deviendront des méchants. C'était 40. Donc, en 1998, Fox a diffusé un épisode de Crossover, donc de deux émissions qui se rencontrent. En fait, il y avait une émission avec des humains basée sur les Ninja Turtles à cette époque-là. Ça a duré une seule saison, donc des vrais gens qui jouaient les Ninja Turtles. Et les Power Rangers in Space, une série dérivée des Power Rangers, une de leurs plusieurs séries dérivées. Donc, ils ont fait un épisode croisé. Vous allez voir la vidéo de 3 minutes avec un paquet de pubs dedans. C'est sur assemblagerequis.com. Ça m'a impressionné. Je savais même pas qu'il y avait une émission sur les Ninja Turtles, en vrai. Non, non plus. C'est génial quand même, génial. Voilà, on fera le reste demain dans la prochaine chronique. Merci, Mathieu! Fait plaisir! On se quitte avec une pièce de Brady Carty pour la fin de la première heure. Et puis après ça, on va revenir avec Stéphanie Gagné et sa chronique. Ton plat favori. Ta favori. Oui, voici donc Brady Carty. La pièce est Si jamais. Non, voici non, c'est tantôt la fois qu'on fait. C'est tantôt. Tantôt, pas tout de suite. Et si jamais, Brady Carty. Garde-toi un petit joint. C'était Danny. Danny a commencé à parler. Puis il a arrêté de parler. Parce que j'y ai dit. C'est moi qui décide. Wow. je te trouvais. Et si jamais tu me croyais, s'il vous plaît, ne m'en veux pas, dis simplement alléluia. Et si jamais je respirais, et si jamais on s'effaçait, c'est ça la vie ici-bas. Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? OK, là, Danny, tu peux parler. Dans votre capsule Info Campus. Vous êtes assez fous. Oh, Coconut Oil. Ça commence à être. Coconut Island, en effet, vous êtes toujours Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées, en direct des studios de 6x3 Rivières ce mardi 20 septembre 2011. Et François-Olivier Marchand s'appelle François-Olivier Marchand. Mathieu Plante s'appelle... Stéphanie Gagné. Non, Mathieu Plante. Hey! Voyons donc! Ben voyons, c'est nos noms, ça. C'est ça, ça ressemble à ça. On est comme les animateurs de cette émission-là pendant encore une bonne heure, là. Ouais. Mais ouais. Non, une demi-heure pour moi, parce que je dois quitter plus tôt. Ah, tu me dis ça là, tu pourrais au moins attendre la dernière minute pour pas me déprimer en ondes, là. OK, OK. Hein? OK, parfait. Écoute, je te le rappelle quand je m'en vais. Tu me l'as déjà dit. Ouais, mais tu sais, oublie ça, c'est pas vrai. OK, ben on va accueillir Stéphanie Gagné. Elle va me remonter le moral, je le sais très bien, avec sa chronique Ton plat favori. Je suis ton plat favori, je sors sur ton bistouri. Non, non, tu comprends pas. Bonjour Stéphanie. Bon matin. Bon matin. Bon matin, madame. Cela va? Oui, vous autres. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi vous toussez comme ça, vous autres? Je sais pas, t'as l'air d'avoir un toussotement dans la gorge. Ah non, pas en tout. C'est parce que tu viens de te lever? Bon, ça fait une heure à peu près. D'accord. Tu t'en vas à l'école tantôt? Oui, j'ai un cours à 9h, puis une grosse séance d'études 15 minutes avant. Et Colin. Donc, on va faire ça vite. C'est ça que ça veut dire? On va faire ça vite. Et puis Steph, en fait, aujourd'hui, c'était un peu une journée un peu spéciale. Ah! Comment ça? Ben, t'es pas au courant? Non, non, ben quoi? Un, deux, trois. Bonne fête, Stéphanie! Bonne fête! À toi, Stéphanie! C'est ta fête! C'est tellement drôle quand vous chantez ensemble. Ouais. Ouais, on est super bons, c'est des amis. C'est un hit, là. Les rock'n chanteurs qu'on appelle. C'est un beau cadeau de fête, je trouve. Ah, ça nous fait plaisir, ça vient du cœur, Stéphanie. Oh, c'est donc cute. Donc, Steph, cette semaine, t'as encore un coup de cœur pour nous, ou plusieurs, dépendant des fois, et différents styles de choses, de différentes de whatever, là. Hein? Ouais, c'est ça, mais avant de parler de mon coup de cœur de la semaine, je pouvais vraiment pas passer à côté de parler de Arcade Fire, parce oui. que, bon, ils ont gagné, hier soir, ils ont gagné le prix Polaris, donc du meilleur album canadien, sans compter les ventes ou quoi que ce soit, vraiment tout simplement d'un côté artistique. Moi, j'ai appris ça à l'émission Assemblage Rocky tantôt. J'ai appris ça à l'émission Assemblage Rocky, j'étais même pas au courant avant matin. Ça fait ouais, c'est ça, il y avait, entre autres, sur la liste courte, il y avait aussi Galaxy, Rosetta et Braids, entre autres. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est Arcade Fire qui a gagné, pas très, très étonnant, non. En fait. Vu qu'ils ont quand même gagné un Grammy, un Juno pour l'album de l'année. Donc, c'est ça, super super bon album. Vraiment content pour ce groupe-là. Et en même temps, ça donne bien parce que demain, il y a un spectacle de Arcade Fire au Metropolis. Par contre, il n'y a plus de billets. Mais le lendemain, le 22, donc jeudi soir, il y a un spectacle gratuit au quartier des spectacles à Montréal. Oh. Ça va être complètement fou, ça étant donné que les billets pour le Metropolis sont partis aussi vraiment vite. Donc, c'est sûr que le quartier des spectacles va être rempli. C'est certain, ça va être l'enfer. Ça va être beau. Donc, moi, je pensais y aller, mais là, j'ai quelque chose d'autre en même temps. On a une croisière avec l'école en même temps. Fait que finalement, j'ai choisi la croisière, mais je vais essayer d'aller voir un catering une autre fois, c'est certain. C'est cool, une croisière. Wow. Ouais, jamais été. Non, mais moi non plus. Ah, attends, cet été, tout l'été. Oui, oui, c'est vrai, je suis déjà là. Faut garder le scénario. Oui. C'est ça pour Arcade Fire. Là, je vais parler de mon coup de cœur de la semaine. C'est quoi? C'est un groupe dont j'avais déjà parlé, un groupe anglais de Cooks, formé en 2001. Ils ont trois albums. Un qui est sorti tout récemment, c'est sorti la semaine passée, le 12, Junk of the Heart. Et il y avait aussi eu Kong en 2008 que j'avais plus ou moins aimé, mais le premier album Inside In, Inside Out en 2006 était excellent. J'avais adoré un autre groupe que j'ai connu via la télé avec des séries télé qui font jouer de la bonne musique. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup quand même aux États-Unis. The Cooks, c'était un groupe que moi j'ai découvert par les palmarès de C'est Fou dans le temps. Quand je suis arrivé ici à C'est Fou, il y en avait déjà. Et quelle chanson qu'il y avait Au palmarès? Je me rappelle vraiment pas, mais il y en a eu plusieurs, ça je sais. Ah, c'est vraiment bon, c'est super catchy, c'est vraiment du Britpop à son meilleur, là. Il y a du monde qui dit que c'est comme Arcade Fire, mais en super sage, là. Mais c'est ça, ça ressemble à ça, c'est vraiment catchy. Always Et, Where I Need To Be, le nom de la pièce que je me rappelle, qui est dans le palmarès. Ah oui, c'est vraiment une bonne chanson, ça. Une bonne chanson de l'album Conk. Ouais. Et j'ai écouté le dernier album, Junk of the Heart, aussi bon que les autres albums. Mais il y a une chanson que j'ai vraiment adorée et malheureusement n'est pas sur l'album Junk of the Heart. Fait que j'ai décidé de choisir cette chanson-là pour vous faire écouter parce que vu que j'en parle de l'album, le monde va aller écouter l'album, mais ils vont passer à côté de cette vraiment excellente chanson. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je la fasse jouer vu qu'elle va sûrement jamais jouer ailleurs. J'espère qu'on va recevoir le CD assez fou, même si cette pièce-là n'est pas dessus, mais pour pouvoir en mettre une sur le palmarès éventuellement, ça va. Ouais, c'est clair. Souhaitons-le. Alors, c'est ça, le titre de la chanson, c'est The Saboteur, qui est sur aucun album, en fait. Mais vous pouvez quand même trouver ça sur Internet assez facilement. Assez Groove Shark, mettons, c'est facile à trouver. Hein? Groove ouais, Shark. Ouais, en effet. Vive Groove Shark, hein? En effet, une chance que j'ai là. Une chance. Donc, on va aller écouter ça, puis on te remercie, comme toujours, Stéphanie Gagné. Et puis nous, on va suivre ça plus tard, sans ta participation, malheureusement, mais avec les crudités de François-Olivier et le dessert délicieux de Mathieu. Et profite de ta journée, madame. Oui. Merci beaucoup. Elle t'appartient, celle-là. Oui. Et on sait que t'aimes bien ça avoir des crayons dans la bouche pour te pratiquer la discussion. Ah oui, c'est vraiment chic, hein, ma photo. J'aime ça quand tu mets des photos de choses comiques comme ça, ça me fait rire. Ben, tant mieux si ça fait rire quelqu'un. Voilà. Bonne journée, Stéphanie. Bye-bye. Oh, François, ça va pas bien aujourd'hui, ta gorge, François. Non. On écoute donc The Cooks avec Saboteur tout de suite au 89 FM. C'est fou, c'est The Saboteur. Saboteur. C'est comme le mot en français. Ils sont de même, les Anglais. Hein? Pas de dernier mot, non? Même pas? Okay. De Saboteur par la formation de Kooks dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. On la remercie encore une fois en direct de Gatineau. Merci, Steph. Gatineau. Donc, comme toujours et à chaque semaine depuis des années, après le plat favori de Stéphanie, c'est les crudités de François-Olivier. Oui, et le dessert délicieux de Mathieu. Ah, juste pour que ça rime, hein? Oui, exactement. Écoute, moi, je te parle, en fait, c'est une nouvelle, c'est un groupe de la région, c'est pour ça que j'en parle. En fait, ils ont sorti un vidéoclip. C'est les gars, c'est le groupe Hopeless Nation. Hopeless Nation. Ouais, qui ont sorti un vidéoclip avec la pièce Blackout. Voilà, en fait, les gens peuvent aller voir le vidéoclip sur YouTube en tapant Hopeless Nation dans la barre de recherche ou Blackout. Voilà. Donc, c'est une bonne pièce. Le lancement s'est déroulé, en fait, le 10 septembre dernier. Ici même à Trois-Rivières, du côté de l'appart. Et puis, voilà, ça a été réussi. Ils ont d'ailleurs joué des vieilles, vieilles chansons de leurs premiers albums. Toi, tu les connaissais, t'es un fan de ça, donc... Ouais, ben je les connais, en fait, la musique est excellente, donc... c'est sûr qu'en fait, on n'en fera pas jouer en entente parce que ça fit plus ou moins, là. C'est très groupe métaux, hein? C'est... Ouais, ben c'est quand même la musique là, qui garoche un peu, là. Qui a des dents. Des dents, oui, c'est ça, des dents. Des dents. Donc, merci, François. Fait plaisir. Rapide comme ça, rapide et efficace. Hein? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on aime. Du côté du dessert délicieux de Mathieu, ça c'est moi. Hein? Je vous parle un petit peu de Google Inside Search. Nouvelle page sur le site de Google, sur google.com/InsideSearch. Ils appellent ça à l'interne le Google Playground. C'est donc pour nourrir votre curiosité et tester vos habiletés de recherche en explorant des sujets d'une toute nouvelle façon. Donc, tu arrives sur la page de Google Inside Search et tu as un paquet de petits carrés avec des sections. C'est comme un ramassis de projets de Google qui sont pas des projets indépendants, qui sont regroupés sous cette grande bannière Google Inside Search. C'est très, très intéressant. Je vais vous mentionner quelques projets. Il y a, pour commencer, la section, est-ce qu'ils appellent ça « What do you love » exactement? Donc, vous entrez, par exemple, iPad, et ça va vous donner une grille de différentes affaires. Par exemple, bon, traduire iPad en 57 langues, explorer l'iPad en 3D, mesurer la popularité du iPad sur le web, trouver des livres sur l'iPad. Donc, un paquet de petits segments rattachés au iPad, en gros, sur une même sur une seule et même page. C'est très bien fait. Ensuite, il y a Doodles. La section Doodles est certainement ma préférée. Depuis des années, il y avait toujours une section où on pouvait voir leurs anciens Doodles. Ça, c'est les logos qui apparaissent lors d'une journée spécifique. T'sais. Quand tu arrives sur Google, c'est la Saint-Valentin. Tu as un logo avec quelque chose de Saint-Valentin dessus. Bon, tu sais c'est quoi maintenant Google si je t'explique ça comme ça. Donc ici, c'est la Doodle Timeline. Donc, tu as une ligne temporelle qui apparaît en bas de l'écran et tu peux choisir les dates. C'est beaucoup plus virtuel. T'sais, tu peux voir même le preview. C'est super bien fait. Donc, les Doodles de Google dans la Doodle Timeline. Ensuite, tu as A Google A Day, que moi j'appellerais Google Trivia. On te pose une question. C'est une question par jour, donc d'où le nom Google A Day. Et tu dois répondre à la question en trichant, si on veut, avec différentes affaires de Google. Donc, tu cliques. Bon, la question du jour aujourd'hui est... attends un peu. C'est quoi la question? C'est quelque chose de compliqué. Mais bref, t'as les outils de Google qui apparaissent en haut et en bas de ce Google ID et tu peux trouver la réponse, tu l'entres en bas et puis tu donnes ta réponse et tu vois si t'as raison ou pas. C'est un petit genre de jeu zarpant le piège là. J'en sors quelques-uns. Il y en a un pour voir, entre autres, les recherches de Google à travers le monde sur une genre de bulle. Et il y a des lignes de couleurs qui apparaissent. Ça te montre les recherches qui sont faites en ce moment. Là, évidemment, celui-là est en anglais. C'est le Tech Support. Tu peux envoyer cette page-là comme un cadeau à quelqu'un. Donc, disons, tu envoies ça à ta mère. Et il y a des vidéos sur cette page-là qui expliquent comment faire des choses de base. C'est par exemple, bon, copier-coller, ajuster l'heure sur votre ordinateur, changer l'arrière-plan sur un Mac, sur un PC. Donc, t'arrives, t'envoies cette page-là comme un cadeau. La personne ouvre la page et peut cliquer sur la vidéo et apprendre comment faire des affaires sur l'ordinateur. C'est comme les livres pour les nuls, mais à la place d'avoir comme 45 pages pour copier-coller. Ouais. Non, c'est ça. Parce que je comprends pas qui lirait 45 pages pour copier-coller, là. D'après moi, c'est tu cliques droite ou tu pèses sur le clavier. Come on. Ouais, ouais, non, c'est simple pour toi, Mathieu, mais il y en non, a. Non, non, y non. En... Oui, tout à fait, t'as raison, François. Alors. Ce que je veux dire, c'est les livres que j'aime pas. Ouais. T'as pas besoin de 45 pages non, de texte. Non, non, fais-moi une bande dessinée non, pour me dire comment le faire. Non, c'est ça. Une page par sujet, s'il te plaît. Je trouve qu'ils vont trop compliquer la chose. Parce que l'utilisateur commun, oui, veut tout savoir, mais il n'a pas besoin de tout savoir maintenant en lisant 300 pages pour Windows XP. Mais encore, il y en a qui sont têteux. Ils veulent savoir pourquoi. Je comprends. Ça dépend des gens. Puis tu sais, il y en a des livres qui sont plus simples. Donc, magasine-les. Mais c'est que la série pour les nuls est tellement connue que les gens se lancent dessus. Pas de question, ouais, c'est ça. Il y a trop d'affaires en même temps, je trouve. Mais bon. Pour revenir à Google Inside Search, tu peux aussi fabriquer ta propre Search Story. Si tu te rappelles, je sais pas si tu as vu au Super Bowl, entre autres, il y avait des pubs de Google. Tu sais, c'était genre le logo de Google. Quelqu'un tapait quelque chose puis ça racontait une histoire. Hé! C'était bon, ces publicités-là. Tu peux faire les tiennes avec ta propre histoire sur ce site-là. Et voilà, un paquet d'autres affaires comme moi, ça. C'est, moi, il y a un truc que je savais pas. En fait, sûrement que tu en as parlé. Là. Peut-être. C'est la recherche par la voix. Tu peux dire ta recherche et ça va chercher. Est-ce que ça existe en français? Non, ben en fait, là, moi, je le vois en anglais, là, mais je ne savais même pas que ça existait. C'est bien. Hein? Ouais, c'est hot. C'est très hot. Très bonne idée. Et ça, et faire des téléphones sur Gmail, qui est vraiment hot en ce moment. Tout le monde en parle. Ce qui ne fonctionne pas au Canada. Non, ça fonctionne au Canada. Ça fonctionne mais au Canada. Mais c'est temporaire, j'ai lu par contre. Parce que tout le monde est excité par ça. Puis si je me rappelle bien de la petite bulle, là, ça disait que c'était temporaire. Aux États-Unis, ça, c'est gratuit? C'est gratuit. Mais c'est très, très bien fait. Et ça fonctionne, on l'a essayé l'autre jour au bureau. Très bien. Très bien. Voilà donc Google Inside Search, c'est sur google.com/inside-search. Très simple à retenir, c'est mon dessert délicieux de Mathieu. Voilà. Ça clôt la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Fort intéressant. Youpidou! Youpidou! Youpidou! Youpidou! Il nous reste encore dans l'émission un bloc poste d'écoute avec l'album de Reine de France, Maxi 2, Un été à l'ère de la révolte. On va l'entendre tantôt, mais pour l'instant, on va entendre un petit peu de Zeus. Zeus! Zeus! Zeus avec leur album Seos. On écoute à l'instant Fever of the Time. Hey Mathieu, avant qu'on parte la chanson, je dois quitter. Non! Je dois quitter. Tu m'as averti tôt et j'ai pas eu le temps de me préparer, là. Ben, c'était un peu ça le but. Et maudit. Tu m'en veux pas trop? Non, ça va être bon. Tu vas revenir demain à 7h? Ouais, demain à 7h, je vais être là et je vais être là pour toute l'émission, certainement. Parfait. Si mon auto peut être réparé un jour. J'espère. On salue les gens du garage. Oui. Est-ce que tu veux le mentionner? Oui. En fait, il y a une publicité ici. GarageGautier.com. Oui, exactement. Junior, en fait, là, qui joue d'ailleurs dans un groupe de musique aussi. Oui, qu'on adore. Oui, effectivement. Les Devils of Rod. Oui. Devils of Rod. On aime les deux, on aime les Malachés aussi. Oh ouais, c'est ça. Donc, on salue Garage Gautier. Exactement. Voilà. À demain, François. Et demain, avec nous, tu vas avoir la chance d'entendre la chronique de Myriam Fugère. Yann Martel aussi, qui nous parle de l'aide financière. Comme toujours. Mais je vais en reparler d'ici la fin de l'émission, un petit peu plus officiellement. Donc, pour l'instant, voici Zoo, c'est Fever of the Time. À demain, François. T'es et Guidou, à tout salut à Mathieu. Les autres. Mais oui, les autres s'en vont pas, là. Hein? Non. Salut les autres. Mais, Tiguidou. Beau travail. Bon, je t'en ai. Merci. Salut. Bye. Bon départ. Tiguidou. Tiguidou, la you. T'as l'air d'un vieux monsieur quand tu dis ça. Vous êtes assez fous. Vous l'écoutez. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Avec Second Chance sur leur album Gimme Some, assemblage requis au 89 FM, c'est fou. En passant, Second Chance, Peter Bjorn and John, c'est excellent, c'est sûr. Mais Peter Bjorn and John, que vous savez peut-être, ont été brûlés complètement par les radios commerciales et la pièce Young Folks. Excellente pièce, la pièce où il y a des gens qui sifflent, là, tu sais, là. Bon, vous la connaissez peut-être, c'est très très bon, mais bon, dommage, on peut pas les faire jouer tant que ça avec ces pièces-là. Mais Second Chance, au moins, est notre alternative, voilà. Et petit fait intéressant aussi sur Second Chance, c'est rendu la chanson thème de la sitcom Two Broke Girls aux États-Unis qui a débuté hier soir. Et pour une sitcom sur CBS, après Two and a Half Men, tu sais, mon oncle Charlie, là, moyen comme émission ça, hein? Mais Two Broke Girls, j'ai adoré, si ça vous intéresse. Maintenant, transitionnons vers notre célèbre bloc. Voici le poste d'écoute. Non, hey, tu parles d'une gaffe, toi. Tu parles d'une gaffe, partie de thème des palmarès c'est fou à la place du poste d'écoute. J'aime vraiment ça. Donc, le poste d'écoute, tout de suite. Le poste d'écoute de C'est fou, c'est le bloc où on vous présente une nouveauté dans les rangs, dans les discothèques de C'est fou. On a une seule discothèque, mais plusieurs murs avec plusieurs rangées, donc il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Aujourd'hui, on écoute Reine de France avec leur Maxi 2 qui s'appelle Un été à l'ère de la révolte. Et j'ai entendu de très bonnes choses sur Reine de France, entre autres, qui font des spectacles avec Bravo Funkin. Bravo Funkin qu'on adore, c'est dans le palmarès de C'est fou, hein, on adore vraiment beaucoup ça. Ils jouent avec Mathématiques aussi, et puis ils sont amis avec Bande à part, donc ça pourrait être très très très très bon. Alors Maxi comprend seulement 5 pièces, et comme on le fait dans le poste d'écoute, on écoute les pièces qui débutent l'album, hein, une à la suite de l'autre. Donc commençons par Chant de Mars, tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. C'est bon, c'est bon. poche d'écoute. Quelqu'un qui me connaît moyennement doit savoir que je viens de liker ça sur Facebook à l'instant. Hein? Reine de France, j'adore! On vient d'entendre la pièce Toxic Tuxedo, précédée de La Muerte et de Chant de Mars sur leur album Maxi 2, Un été à l'ère de la révolte. Donc c'est un maxi de seulement 5 pièces. Parlons un petit peu d'eux, Reine de France, groupe d'électropunk avec Nicolas au synthétiseur et LL à la voix et la basse. Groupe donc de Montréal, maxi en vente sur Atom Heart et sur iTunes. On dit un mélange d'électropunk et de comptines yéyé virulentes. Ce projet est né de la double vie musicale de Nicolas, aka Nico Vidéo, qu'on connaît pour le groupe Vidéoville et les bassistes dans ce groupe de post-rock. Troquant ses cordes pour les synthétiseurs, il compose des mélodies électro-accrocheuses à basse fréquence sale. On ajoute à la recette les textes déjantés de LL, sa collaboratrice, pour obtenir un cocktail sucré et haut en couleur. C'est joli. Ils ont un spectacle à venir le 7 octobre prochain au Quai des Brumes de Montréal. Vous pouvez aller voir sur Facebook Reine de France. Ou encore sur MySpace et myspace.com/Reine de France. J'ai adoré l'effet chiptune. Je sais que c'est pas littéralement du chiptune dans le sens que c'est fait avec des instruments de musique des plus communs et non pas avec des consoles de jeux vidéo, mais c'est clairement inspiré par la musique de jeux vidéo. Donc moi, ça me touche parce que c'est ce que j'aime. La voix, pour l'instant, je suis un peu Virginie Coussé-Coussa, comme on dit. T'sais. Pas tout à fait certain. Pas tout à fait certain, mais ça va venir peut-être. C'est la première écoute, c'est évidemment le but de la chose dans le poste d'écoute, d'avoir une seule écoute. Mais non, je compte écouter le reste et je suis pas sûr que ça va être sur le palmarès, hein. C'est pas tellement grand public, mais bon, moi ça va rejouer ici, c'est sûr. Reine de France, Maxi 2, un été à l'ère de la révolte. Les liens sont sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Voilà pour le poste d'écoute de cette fois-ci, on va en faire un autre une autre fois, mais pour l'instant, on va entendre. On va transitionner vers... j'attendais que ça finisse. Ah oui. J'aime ça la petite pause entre deux fonds. Non, sans blague, on va entendre une pièce que Kiwan nous a envoyée. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient avec nous hier, on avait la chronique Kiwan en cavale avec notre ami Kiwan qui est en direct de l'Alberta. Et puis, il nous avait présenté quelques pièces. Il nous avait mentionné celle de Dutch 16. Il nous avait dit, jouez-la peut-être pas aussi de bonne heure parce qu'il était comme 7h15. Parce que c'est un petit peu plus violent que ce qu'on aimerait avoir le matin. Donc, on va aller écouter tout de suite Dutch 16, des vétérans des palmarès. On les adore. Voici Time to Reiterate au 89.1 FM. Est-ce que j'avais dit violent? Criard. I'll ripple everything from the Little Girls avec Nights Out au 89FM, Assemblage Rocky. Et vraiment, la pièce était tellement forte que je suis obligé de la mettre à peu près au même fond que le fond, là. Le fond qui joue tellement pas fort. C'était incroyable, hein? C'était vraiment fort. Avant ça, on a entendu Time to Reiterate par Dutch Says sur leur album In a Funk Day Tea. Et deux pièces vraiment que j'ai adorées. Donc, c'est sûr que vous allez réentendre Little Girls et Dutch Says. C'est bon pour vous, ça. C'est bon pour nous aussi. C'est presque la fin de l'émission. On a le temps encore pour quelques dernières pièces. On va aller écouter un extrait du palmarès anglophone. C'est celui de Library Voices sur leur album Summer of Lust. Voici If Raymond Carver Was Born in the 90s. Library Voices present Summer of Lust. Larry Voices et If Raymond Carver Was Born in the 90s. C'est la position numéro 10 du palmarès anglophone. Et c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. On se retrouve demain matin à 7h. Et demain à l'émission, on va avoir entre autres Myriam Fugère et sa chronique culturelle. Et ensuite, notre ami Yann Martel et sa chronique finance. C'est demain matin dès 7h. Pour aujourd'hui, je remercie François-Olivier Marchand et Stéphanie Gagné d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Restez sur nos ondes. Plus tard dans la journée, le dîner de cons commence à 11h. En après-midi, c'est des émissions rappel que vous avez peut-être ratées, Le Voyage de Solite et Album Classique. Ensuite, on revient en direct à 16h avec Les Filles d'une dose d'estrogène. Et plus tard en soirée, c'est Réanimation à partir de 19h pour du métal et de l'horreur. Donc, passez une excellente journée. Et on se quitte avec la pièce de Cœur de Pirate, celle que tout le monde capote dessus. Cette pièce-là, tout le monde l'adore. C'est Adieu. Et là-dessus, on se dit adieu. À demain. Bye. We'll be right back.